À l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Sun-gun par le général Kim Jong-il, le séminaire sur ses exploits a eu lieu les 16 et 17 courants dans le cercle de 10 filiales, y compris celle de Pole et de Kulalé, relevant du comité national éthiopien d'études du kimilsonisme et kimjongisme. À la même occasion, le journal Iran News du 21 a fait une rédaction spéciale en exposant une photo de Kim Jong-il.